Ah, ceci dit, ça me fait penser que ça fait un point commun avec Guillermo Guiz. Ah oui, c'est vrai. Déjà. Ça va les amigos? Ouais. Vous connaissez, je suis un homme de la nuit. À Bruxelles, on m'appelle Michou. Michou de Bruxelles. Puis on regrette pas. Parce que ça rajoute moins qu'on a moins de 74 ans. Mais c'est joli. Et que finalement, on se dit, on a pas tellement envie de bâcler son intro. Ce serait trop bête de lancer sa chronique comme ça. Et pourtant. Et voilà. Bon, vous avez vu qu'à Marseille, la police a interrompu une fête clandestine où il y avait 500 personnes. Alors déjà, 500 personnes, c'est plus vraiment une fête clandestine. Clandestin, c'est quand il y a encore des gens qui sont pas au courant. Tu vois, là, il y avait Jean-Pierre Papin, il y avait Fernandel, l'OM s'est entraîné. 500 personnes en temps de couvre-feu. Putain, à quel moment les organisateurs, ils se sont dit, ça va passer, ça va. Limite, on met un petit mot pour prévenir les voisins. Tu vois. T'imagines pendant l'occupation, la résistance qui ouvre des bureaux sur les Champs-Élysées. Ah ben, c'est plus pratique pour les candidats. Mais 500 personnes. Ah, ceci dit, il y a plein de fêtes clandestines en Belgique aussi. Ce week-end, à Virton, par exemple, on a retrouvé une cinquantaine de Français à moitié à poil dans une orgie. Et avant l'émission, Nagui, vous me racontiez, il me disait, putain, là, les keufs débarquent et tout. Et je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Il me dit, j'ai juste eu le temps de cacher ma carte d'identité. Je fais, où ça? Il me dit, bah, mais c'est vrai, ils t'ont pas reconnu. Il me dit, mec, j'étais en nuisette. C'est vrai que Nagui, quand il s'habille chez Etam, c'est pas la même personne. Et, mais bon, 250€ d'amende, c'est quand même pas cher payé. En plus, vous avez fait moite-moite avec Daniel, qui avait réussi à s'enfuir sur son fauteuil roulant. Et moi, je trouve que c'est pas assez dissuasif, les amendes. Non, franchement, il faut des peines d'enfermement pour les fêtes clandestines. Pas de la prison. Non, on enferme les gens directement dans leur fête pendant 14 jours. Tu vois, c'est un win-win. Toi, tu kiffes ta fête, en même temps, tu fais ta quarantaine. Là, vous dites, tu t'es un temps de génie dans moins de 90. Je sais, même moi, je suis épaté. J'ai écrit ce texte, j'étais ému, quoi. Je me disais, Ernesto, fils d'un œuf et d'une poule. T'es trop fort. Tu mérites au moins la grande librairie. Allez, on ne fût qu'à faire conclu, quoi. Mais moi, ça me met la haine, toutes ces fêtes. Et vous savez ce qui me met encore plus la haine? C'est d'avoir la haine. Je suis vieux. Putain, c'est officiel. Avant, on m'aurait dit, il y a des fêtes clandestines. J'aurais fait, où ça? C'est où? Je peux amener mon cigario. Mais là, quand je dis que la police interrompt une fête, je suis pour la police. Depuis quand je suis pour la police? La prochaine étape, c'est quoi? Michel Sardou? La peine de mort? France 3? Je dis, c'est quoi? Sérieux? À quand une chronique, méfiez-vous du hashish? Vraiment? Mais en vrai, si j'ai autant le seum contre les fêtes clandestines, c'est parce que ça me manque trop. Moi, je fantasme à fond ma fête de retour, la première vraie fête que je vais faire après la libération en 2039. Ce sera quand on sera tous vraiment safe, quand il n'y aura plus de corona, quand il n'y aura plus de sida, ni de malaria, ni Umtiti, ni tous les gens qui disent noyer Joël. Tous les gens qui gâchent les fêtes. Ma fête, elle sera parfaite. Il y aura 200 personnes, pas plus, dont 199 femmes. Hein, comme il y aura moi et deux infirmiers éventuellement. Oui, parce que je viens direct avec mon équipe médicale. Franchement, c'est sûr, je vais boire tellement d'alcool. En Pologne, on va m'appeler monsieur. Vraiment. Moi, je vais prendre toutes les drogues. Je serai là, elle est où Leïla? À chaque fois que le DJ mettra un son, je serai là, c'est ma chanson. On fera, ouais, mais là, c'était la Zoubida quand même. Je m'en fous, lui a fait un mauvais procès à la gaffe. C'est vrai, j'embrasserai toutes les bouches qui veulent bien de moi. Je veux un tartare de germes. Je veux lécher un berger allemand. Hey, je veux finir nu dans un définarium. Je ferai des déclarations d'amour à tout le monde. Je serai la Morgane, je veux un enfant de toi. Elle me dira encore un. On en fait plein. Ce sera la plus grande bamboche de toute ma vie. Putain, vivement 2030. Allez, bonne émission, les amis. Bravo. La musique.